1883, dimanche 22 avril. Il n'y a eu que deux pastels reçus avec numéro 1, celui de Breslau et le mien. Le tableau de Breslau n'est pas sur la cimaise, mais son portrait de la fille de l'administrateur du Figaro est sur la cimaise. Mon tableau n'est pas sur la cimaise non plus, mais Tony Robert Fleury assure qu'on le voit bien et que le tableau qui est dessous n'est pas grand. La tête d'Irma est sur la cimaise et dans un angle, par conséquent place d'honneur. Enfin, il dit que j'ai une bonne exposition. Comme presque tous les soirs, il y a du monde à dîner. J'écoute et me dis que voilà des gens qui ne font rien et qui passent leur vie à dire des niaiseries ou des potins. Sont-ils plus heureux que moi? Leurs tracas sont autres et ils souffrent autant. Et ils ne jouissent pas autant que moi de tout. Une quantité de choses leur échappent, des riens, des subtilités, des reflets, qui sont pour moi un champ d'observation et une source de plaisir inconnu du vulgaire. Mais aussi, je suis peut-être plus sujette que beaucoup à ces contemplations des grandeurs de la nature, autant que des mille détails de Paris. Un passant, une expression d'yeux d'enfant ou de femme, une annonce, que sais-je? Quand je vais au Louvre, traverser la cour, monter l'escalier par le sillon tracé par les millions de pieds qui l'ont foulé, ouvrir cette porte, et les gens que l'on y rencontre, on leur prête des histoires, on les suit dans leur être intime, on se représente leur vie en un instant. Puis, d'autres pensées, d'autres impressions, et tout cela s'enchaîne, et tout cela est divers. Il est sujet à... Est-ce que je sais? Et si, depuis que j'entends parfois moins bien, je suis moins que tout le monde, il y a peut-être des compensations? Oh non, tout le monde le sait, et c'est la première chose qu'on doit dire en me nommant. Elle est un peu sourde, vous savez. Je ne sais comment je puis l'écrire. Est-ce qu'on peut s'habituer à une telle misère? Que cela arrive à un homme âgé, à une vieille femme, à un malheureux, mais à un être jeune, vivant, vibrant, enragé de vie. Mercredi 29 août. Je tousse tout le temps malgré la chaleur. Et cet après-midi, pendant le repos du modèle, m'étant à moitié endormi sur le divan, je me suis vu coucher et un grand cierge allumé à côté de moi. Ce serait le dénouement de toutes ces misères. Mourir, j'en ai très peur. Et je ne veux pas. Ce serait affreux. Je ne sais comment font les heureux, mais moi, je suis bien à plaindre depuis que je n'attends plus rien de Dieu. Quand ce suprême refuge manque, on n'a plus qu'à mourir. Sans Dieu, il ne peut y avoir ni poésie, ni tendresse, ni génie, ni amour, ni ambition. Les passions nous jettent dans des incertitudes, des aspirations, des désirs, des violences de pensée. On a besoin d'un au-delà, d'un Dieu à qui reporter ses enthousiasmes et ses prières, un Dieu à qui tout demander et qui peut tout, à qui on peut tout dire. Je voudrais bien que tous les hommes remarquables se confessent et disent si, quand ils ont été bien amoureux, bien ambitieux ou bien malheureux, ils n'ont pas eu recours à Dieu. Les natures vulgaires, même très intelligentes et très savantes, peuvent s'en passer. Mais ceux qui ont l'étincelle, même s'ils sont si savants que toute la science et même s'ils doutent par raison, ceux-là croient par passion, au moins par moment. Je ne suis pas bien savante, mais toutes mes réflexions tendent à ceci, le Dieu qu'on nous enseigne est une invention. Le Dieu de la religion ou des religions, celui-là, n'en parlons plus. Mais le Dieu des hommes de génie, le Dieu des philosophes, le Dieu des gens simplement intelligents comme nous, ce Dieu-là est injuste. S'il ne nous entend pas ou s'il est méchant, je ne vois pas ce qu'il a à faire. Mais s'il n'existait pas, pourquoi ce besoin de l'adorer partout, chez tous les peuples et dans tous les temps? Est-il possible que rien ne répondent à ces aspirations qui sont innées chez tous les hommes, à cet instinct qui nous porte à chercher l'être suprême, le grand maître, Dieu. Lundi 1er octobre. Notre grand écrivain Tourguignev, mort il y a 15 jours, est expédié aujourd'hui en Russie. Grande cérémonie d'adieu à la gare. Discours de M. Renan, de M. Abou et de Viroubov, un russe qui a parlé français très bien et ému plus que les autres. Abou a parlé assez bas et j'ai peu entendu. Et Renan, que je vois à travers le buste de Saint-Marceau, a été très bien. Et le dernier adieu a vibré. Bogolyubov a aussi prononcé un discours. En somme, je suis fier de voir honorer un russe par ces horribles orgueilleux de français. Je les aime, mais je les méprise. Ils ont laissé mourir Napoléon à Sainte-Hélène. Ça, c'est un crime immense, monstrueux, abominable. C'est une honte éternelle. Chez d'autres, pourtant, on a bien assassiné César. Enfin, ils ont conspué Lamartine, qui dans l'Antiquité aurait eu des hôtels, comme dit si justement Dumas fils. Et puis, encore un grief personnel. Ils méconnaissent le talent de Bastien Lepage. Nous avons été au salon, après Tourguignev, et je ne puis voir cette peinture sans des explosions d'enthousiasme, explosions intérieures, car on croirait que j'en suis amoureuse. Meissonnier n'est qu'un prestidigitateur. Il fait des choses microscopiques, de façon à vous causer des étonnements si grands qu'ils touchent presque à l'émotion. Mais dès qu'il sort de ce format minuscule, dès que ses têtes ont plus d'un centimètre, cela devient dur et ordinaire. Mais on n'ose pas le dire et l'on admire, bien que toutes ces toiles de ce salon soient seulement bonnes et correctes. Mais est-ce de l'art? Des gens en costume qui jouent du clavecin ou qui montent à cheval et... Enfin, beaucoup de genristes en font autant. Ce que j'ai vu d'étonnant et de beau de lui, c'est d'abord les joueurs de boules sur la route d'Antibes. C'est une scène prise sur le vif, bien que costume ancien, et c'est plein air et de soleil. Et c'est si petit et tellement fait qu'on reste consterné. Puis lui-même et son père à cheval sur la même route, je crois. Puis le graveur à l'eau forte. Le mouvement et l'expression sont saisis et sont vrais. Cet homme qui pense, qui travaille, qui est peut-être empoigné, nous touche et nous intéresse. Et les détails sont miraculeux. Il y a aussi un cavalier Louis XIII qui regarde par la fenêtre. Même format et encore un mouvement juste, une action humaine, naturelle, simple, une parcelle de vie, enfin. Pour le reste, je le classe dans les rangs des bons tableaux de gens bien soignés, et qui sont les chefs-d'œuvre que j'ai cités, ne suffiraient pas à la gloire de Meissonnier. Ses portraits, lorsque la tête a seulement 2 centimètres, sont en carton, et plus c'est grand, plus c'est mauvais. Je salue et passe, et il ne me touchera jamais. Mais regardez les portraits de Bastien Lepage. La majorité écrirait très fort, si je disais qu'ils sont de beaucoup supérieurs à ceux de Meissonnier. Et pourtant c'est une vérité incontestable. Mais tous les envieux se servent d'un vieux talent, reconnu comme d'une massue pour taper sur ce qui leur semble dangereux. Rien ne peut se comparer au portrait de Bastien Lepage. Contestez ces tableaux, passe encore. Vous pouvez ne pas les comprendre, mais ces portraits. Depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, on n'a rien fait de mieux. Samedi 1er décembre. Est-ce que je ne fais pas un métier de dupe? Qui me rendra mes plus belles années dépensées, peut-être en vain? Mais il y a une bonne réponse à ces doutes de mon vulgaire. C'est que je n'avais rien de mieux à faire vraiment. Partout ailleurs et vivant comme les autres, j'aurais eu trop à souffrir. Et puis je n'aurais pas atteint ce développement moral qui me rend une supériorité bien gênante, pour moi. Stendhal, au moins, avait connu 1 ou 2 êtres capables de le comprendre, tandis que moi, c'est effrayant. Tout le monde est plat, et ceux que je prenais pour des gens d'esprit me paraissent stupides. Est-ce que je serais devenu ce qu'on appelle un être incompris? Non, mais enfin. Il me semble pourtant que j'ai bien raison d'être étonnée et mécontente quand on pense de moi des choses dont je suis incapable et qui atteindraient ma dignité, ma délicatesse, mon élégance même. Voyez-vous, quelqu'un qui me comprendrait tout à fait, devant qui je pourrais tout dire, qui comprendrait tout et dans les discours de qui je reconnaîtrais mes pensées? Eh bien, ma petite, ce serait de l'amour. Peut-être bien. Mais sans aller si loin, des gens qui vous jugeraient seulement d'une façon intelligente et avec qui on pourrait causer, ce serait déjà bien agréable. Et je n'en connais pas. Le seul était Julien, et voilà que je le trouve de plus en plus fermé. Il est agaçant même quand il commence ses interminables taquineries qui frappent à côté, surtout dans les questions d'art. Il ne comprend pas que je vois clair et que je veux arriver. Il me croit entiché de moi. Enfin. En somme, il est encore mon confident par intervalle. Pour ce qui est d'une parité absolue de sentiments, ça n'existe pas, à moins d'être amoureux. Alors, c'est l'amour qui fait des miracles. Pourtant, est-ce que ça n'est pas au contraire cette parité absolue qui fait naître l'amour, l'âme sœur? Moi, je crois que cette image dont on a abusé est bien juste. Eh bien, où est-elle, cette âme? Quelqu'un dont on ne verrait pas même le bout de l'oreille. Il faudrait que pas un mot, pas un regard ne fût en désaccord avec l'idée que je m'en fais. Ce n'est pas que je demande la perfection introuvable et un être qui n'aurait rien d'humain. Mais je demande que ces travers me paraissent des travers intéressants et ne le démolissent pas à mes yeux. Qu'ils soient conformes à rêve, non pas à le rêve banal des divinités impossibles, mais enfin que tout en lui me plaise et que je ne découvre pas tout à coup quelques coins stupides ou plats ou insuffisants ou niais ou mesquins ou faux ou intéressés. Rien qu'une de ces tâches, et même toute petite, suffit pour tout détruire.